trouvait l'avenir trop sombre, il avait un casse. Du coup, il s'est retrouvé à l'ombre, hélas. Le silence est d'or, mais sa valeur chute. La vengeance est un plat qui ne se livre pas en 30 minutes. La guerre est finie, il n'y a plus qu'à desservir. Sorti du pétrin, la patrie. Le canon, sais-tu, sinon faut le dire. On bombe tout le monde après, on trie. Personnellement, j'en doute, mais si Mathieu y croit, vas-y, tu peux compter, je ferai le ménage à trois. Mais pendant que Jésus sur scène lançait le New Age, les groupies restaient vierges backstage. Jardin secret, arrêtons nos transports, je n'irai pas plus loin. Sur ma meule, elle adore choper le rhume des foins.